Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment investir dans l'immobilier locatif. À ma chaîne YouTube pour rejoindre la team Esprit Gagnant. Pour commencer dans l'investissement locatif, je vais te donner les trois actions à mettre en place dès maintenant, tout de suite, parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent j'aimerais investir dans l'immobilier, mais est-ce qu'il faut faire une SCI? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Et les gens, ça s'appelle procrastiner, c'est-à-dire se poser des questions imaginaires, hein, parce que c'est imaginaire, pour se mettre des barrières pour pas avancer, pour pas faire les choses. Moi, je vais te donner trois actions à mettre en place dès maintenant dans ton business pour passer à l'action dans l'investissement locatif. Numéro 1, tu vas épargner tous les mois. Car si tu n'es pas capable d'épargner tous les mois une somme d'argent, disons minimum 5% de ton salaire, alors tu auras de fortes difficultés à investir dans l'immobilier pour la simple et bonne raison que dès le premier souci que tu vas avoir, hein, parce que l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, dès le premier souci que tu vas avoir, si tu n'arrives pas à mettre un peu d'argent de côté, t'es mort parce que ça va pas le faire. Tu vas pas pouvoir payer une réparation, tu vas pas pouvoir payer une charge de propriété qui n'était pas prévue. Donc, première chose à faire dans ton état d'esprit, mettre de l'épargne de côté. 5 à 10% de ton revenu minimum. L'action numéro 2, tu vas définir une stratégie. Tu veux faire du meublé plutôt étudiant, tu veux faire de la colocation, tu veux faire de la location courte durée, tu veux faire de l'immeuble de rapport. Je dis immeuble de rapport, tu peux peut-être avoir les yeux qui grossissent, mais minimum de rapport, selon, tu peux avoir des petits immeubles de 3 appartements à 80 000 euros, selon là où tu vas et là où tu es. Donc, selon ta stratégie, tu vas pouvoir faire des choses, mais il faut définir une stratégie et commence par une stratégie simple. Commence par quelque chose de basique qui va te permettre de passer à l'action et pas de repousser le passage à l'action de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, parce que tu as ça à finir, parce que ton fils, il est à la maternelle, mais que dès qu'il va rentrer au CP, c'est bon. Dès qu'il va apprendre à lire, il va être autonome, il va savoir s'habiller tout seul. Honnêtement, c'est ce qu'on appelle c'est bullshit. C'est-à-dire que ce sont que des barrières que tu te mets supplémentaires. Oui, mais quand j'aurai mon augmentation de 100 euros? Non. C'est aujourd'hui, tout de suite, si tu regardes des vidéos sur l'investissement immobilier, c'est que tu as envie d'y aller. Alors vas-y. Un, tu vas épargner. Deux, tu vas mettre en place ta stratégie. T'écoutes les gens, mais tu fais ensuite ta stratégie. Et trois, tu vas aller calculer ta capacité d'endettement, ta capacité d'emprunt. Voir quel est ton taux d'endettement et ta capacité d'emprunt que tu peux avoir par rapport à ça. C'est assez simple. Quand tu vas commencer, quand tu es un client lambda, la banque va te prêter à hauteur de 33%. Donc si tu gagnes 1 000 euros, la banque va te prêter jusqu'à 333 euros. Et donc elle va prendre en compte les autres charges que tu as. Par exemple, si tu as un loyer ou si tu as déjà un prêt en cours. Elle va te prêter environ 33% au début. Ensuite, bien évidemment, c'est des calculs qui sont plus fins puisque ça va aussi dépendre de ton reste à vivre, ça va dépendre de tes revenus locatifs. D'une manière générale, regarde combien à peu près la banque serait prête à te prêter. Donc, soit tu vas sur des sites comme meilleurtaux.com, soit tu vas directement à ta banque et tu lui demandes. Et comme ça, là, tu vas savoir exactement où tu peux aller. Et tu ne vas pas te poser des fausses questions sur est-ce que je monte une SCI, mais est-ce que c'est mieux une SCI à l'IS, à l'IR? Etc. On s'en moque. Il faut aller à l'essentiel. Donc, on résume les trois actions essentielles à mettre en place dès aujourd'hui en tant qu'investisseur immobilier. 1. Tu mets de l'épargne de côté si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, tu regardes si tu ne peux pas augmenter ce montant. Numéro 2. Tu définis la stratégie, ta stratégie qui va te permettre de multiplier les investissements immobiliers, de devenir rentable et de passer à la vitesse supérieure. Et numéro 3. Tu vas calculer ta capacité d'emprunt. Donc ça, tu vas voir ta banque, tu vas sur Internet. C'est pas aujourd'hui, c'est super facile de faire tout ça. Donc une fois que tu auras fait ces trois actions, là, tu vas savoir clairement où tu peux aller. Donc voilà, c'est une vidéo rapide pour te dire qu'il faut absolument passer à l'action et arrêter de repousser toujours au lendemain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. On fait de l'immobilier et on attend, plutôt qu'on attend et on fait de l'immobilier. J'ai déjà sorti cette phrase que j'adore dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment important avec l'immobilier de profiter au plus vite, au plus tôt de l'effet de levier et ensuite l'effet cumulé de tous tes actifs que tu vas mettre en place. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like pour te remercier d'avoir suivi jusqu'au bout. Bah, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien au-dessus ou en-dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Si tu as des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier, qui veulent se lancer, qui ne savent pas comment faire, bah partage-leur cette vidéo, partage-leur ma chaîne Esprit Gagnant. Hein, le but, mon but avec ma chaîne YouTube Esprit Gagnant, c'est de donner le maximum de contenu pour permettre à des investisseurs en herbe, des investisseurs intermédiaires, de devenir rentables, de passer à la vitesse supérieure et de kiffer dans la vie, de faire exactement ce qu'ils veulent. Donc, d'ici la prochaine vidéo, je te dis de profite de la vie, profite des tiens et passe à l'action. À très vite. Ciao, ciao! Thank you.